Chapitre 3e, les Angats commencent. J'ai finalement passé une bonne nuit, bercé par des rêves d'avenir et de câlins torrides. Un de mes maîtres me disait souvent « Quoi qu'il advienne, il te faut toujours garder au cœur l'espérance. » C'est ce que je suis en train de faire, même si je ne suis pas persuadé que cela suffira pour forcer le cours des événements. J'en suis encore à savourer mes pensées et à caresser mes rêves lorsque le roue du téléphone retentit. Je reconnais tout de suite la voix de Gilda et suis parcouru par un frisson de plaisir. Heureusement, dès le « Allô » de la fille, je sens que le ton est angoissé. « Qu'est-ce qui t'arrive ? Il faut que tu viennes, Gino, je t'en supplie, c'est grave !»« Ne t'affole pas, reste calme, ça ne doit pas être si grave que ça. Allez, ne t'inquiète pas !» J'essaye d'avoir le ton le plus doux possible pour calmer ma brune, mais au halètement que je perçois, le velours de ma voix n'a aucun effet. « Explique-moi, Gilda. » « Non, ce n'est pas possible par téléphone. Est-ce que tu pourrais passer prendre ma mère en venant ? Elle habite Saucet. Elle t'attendra à 11 heures devant l'église. » « Pas de problème, Gilda. » « Je ferai comment pour qu'on se reconnaisse ? Elle me ressemble. Elle aura une robe bleue et une valise. »« Ok. Tu ne veux toujours rien me dire ? Non, je t'en supplie. Viens avec ma mère. » Et sur ce dernier SOS, elle raccroche, me laissant perplexe et inquiet. Pour qu'elle ait fait l'effort de me téléphoner, il faut que la cause soit extrêmement grave. Mais je ne vois pas ce qui a pu lui arriver, vraiment pas. D'un coup, cet appel nous a rapprochés, mais je ne sais pas si je dois m'en réjouir. Ça ne sert à rien de se perdre en conjectures et pour tromper mon angoisse en attendant. Je vais passer voir mon copain Pécou, l'amour Piane, pour qu'il me développe les photos que j'ai prises l'autre fois. Puis j'irai voir George à Carrie pour lui emprunter boussole et carte, puisque c'est sur ma route. Oh, Gino, si tu viens me voir, c'est que tu as besoin de quelque chose, me lance George en ouvrant sa porte. C'est vrai, malheureusement, mais je pense souvent à toi, tu sais, la preuve. Oui, je vois. C'est dommage que tu n'aies pas plus souvent besoin de quelque chose. George est un instite qui croit en ce qu'il fait. Il a à cœur de défendre les valeurs d'honnêteté, de tolérance, d'équité, surtout de laïcité, vertus qui viennent tant de l'éducation familiale que de l'enseignement de ses maîtres. C'est un homme de mesure et de droiture. Tout le contraire de moi, qui ai tendance à partir un peu dans tous les sens, qui hésite avant l'action et qui cherche tous les remords du monde après l'action. George, lui, fait ce qu'il doit faire en conscience. Peut-être qu'en réalité, il ne dort pas mieux que moi, mais en tout cas, il donne une impression de stabilité et de solidité. Il n'a pas de mal à dégoter le matériel que je demande. Chez lui, toute chose a sa place et il possède une bonne mémoire. En sortant la boussole avisée, il le met en garde. Prends-en soin, parce que ça vaut la peau des fesses. Il m'en explique le fonctionnement du miroir et de l'objectif avec précision et gourmandise. On sent qu'il est dans son élément. Je sais parfaitement me servir d'un tel outil, mais pour lui faire plaisir, je le laisse donner libre cours à ses aptitudes pédagogiques. Pour lui montrer que j'ai bien compris ses explications, je fais 2 ou 3 relevés par la fenêtre ouverte. Tu vois, je ne suis pas trop manche quand même. Et puis, tu oublies que j'ai déjà fait ça dans l'armée et en opération en plus. Nous racontons encore 2-3 conneries, histoire de nous faire rire et de nous rappeler le bon temps. Mais je reste taraudé par le coup de fil du matin. Lorsque je lui annonce mon départ, déçu, il me lance. « Ça y est, déjà tu fous le camp, t'es gonflé quand même, tu pourrais manger avec moi. » Pour ne pas qu'il se vexe, je suis obligé de lui expliquer la raison de ma précipitation. « Je sens que tu vas encore te mettre dans les angats, » me dit-il en secouant la tête. Arrivé devant l'église de Saucet, je scrute les passantes en penchant la tête, pour mieux voir sous le toit de la mini. Certaines me lancent des regards assassins, me prenant pour un dragueur en chasse. Finalement, j'avise une femme en robe bleue outre-mer, mais je ne peux pas croire que ce soit la mère de Gilda. Cette dame brune doit avoir tout juste la 50aine. Pourtant, elle tient une valise à la main, et lorsqu'elle aperçoit ma mini, elle fait un discret signe dans ma direction. J'ouvre la portière, sourire. « Gino ? » questionne-t-elle. « Montez, je vous en prie, madame. » Je saisis la valise et la dépose sur le siège arrière. Au passage, je ne peux m'empêcher de regarder ces jambes parfaites qui se glissent dans la mini. Puis je la dévisage avec un sourire. Elle est encore pleine de charme et son regard a gardé un certain éclat. C'est Gilda, en plus mûre et plus apaisée. Comme sa fille, elle possède une crinière brune où passent seulement quelques fils d'argent. Elle est réellement belle, et il est impossible de lui donner un âge. Lorsqu'une femme est jeune, on dit souvent qu'il faut regarder sa mère pour savoir comment elle sera dans 20 ou 30 ans. Eh bien, si Gilda doit lui ressembler plus tard, je suis sur un coup phénoménal, je vous le dis. Je signe tout de suite. Les risettes de courtoisie terminées, chacun de nous reprend son sérieux et d'un rapide coup d'œil, je vois que Madame Gilda mère est fort préoccupée. « Elle vous a raconté quelque chose ?» demande-t-elle d'un ton anxieux. « Non, elle n'a rien voulu me dire au téléphone, mais je me fais du souci. Moi aussi, parce que vous savez, pour qu'elle m'appelle, c'est que ça doit être grave. Vous ne vous doutez pas du mauvais sang qu'elle a pu me faire faire depuis qu'elle est petite. Il y a longtemps que vous la connaissez. » Je lui raconte nos premiers contacts lorsque Gilda avait son rad à salon. Ah, ce bar de salon! Qu'est-ce que j'ai pu me faire comme souci? Quelle idée d'avoir été acheter ça! Vous êtes son ami ou copain, si vous préférez. Mais il n'y a rien entre nous, si c'est ce que vous voulez savoir. Je le déplore bien, d'ailleurs, car votre fille me plaît énormément. Je suis ce qu'on appelait avant un soupirant. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Pardonnez-moi ces questions, mais elle ne m'a rien dit sur vous. Je me nomme Volpi et je suis commissaire de police, mais actuellement, j'étais suspendu pour des raisons, disons, politiques. Je me suis un peu trop engagé dans l'action en mai 68. Volpi, Volpi. C'est vous qui avez démantelé la bande de l'Estac? Oui, c'est bien moi, dis-je en me rengorgeant. Il faut bien que je sois fier de quelque chose de temps en temps. Eh bien, je suis très contente que ma fille fréquente quelqu'un comme vous. Ça change un peu de tous les paumés avec lesquels elle s'est accoquinée. Vous savez, on ne dirait pas, à voir son mode de vie et ses occupations, qu'elle appartient à une famille comme il faut. Mon mari est un médecin renommé, et j'appartiens à une vieille famille marseillaise. Mais son père est mort quand elle avait 12 ans. Je ne sais pas si c'est cette disparition qui l'a marquée, mais à partir de ce moment, elle est devenue secrète, rebelle et très indépendante. Je n'ai plus aucune autorité sur elle. J'ai dû me battre contre les associés de mon mari pour récupérer 4 sous. Ma sœur a voulu me soustraire une partie de l'héritage de notre père. J'étais sans arrêt sur la brèche et je l'ai peut-être trop négligée. Je vous ennuie avec mes histoires? Non, bien au contraire. Gilda ne m'a jamais rien raconté de son enfance, et tout ce que je sais d'elle date du moment où je l'ai connue. Sachant qu'elle m'a la bonne, je tente de pousser mon pion. Or, je voudrais bien refaire ma vie avec elle, et vous pourriez me parler de Gilda pendant des heures sans m'importuner. Mais elle est rebelle, comme vous dites, et franchement, je suis très étonné qu'elle m'ait appelé, car jusqu'ici je pensais que j'aurais pu crever sans que ça lui fasse bouger une paupière. Ma saillie a visiblement fait de l'effet sur Madame Mère. Mais nom de Dieu, oh pardon, excusez-moi, pourquoi joue-t-elle les garces comme ça? À quoi ça l'avance? C'est comme ces commerces. Dites-moi un peu à quoi ça ressemble d'avoir fait 4 ans de médecine pour terminer comme bistrotière. Si c'était à refaire, je ne lui aurais pas donné un sou pour s'établir. Un jour, elle m'a dit « J'en ai marre de la médecine, je veux faire du commerce. » J'appartiens à une vieille famille d'armateurs et j'ai pensé que c'était le sang qui parlait. Quelques jours plus tard, elle me dit « J'ai trouvé une affaire sur du velours, ne me pose pas de questions, tu verras. » Je lui ai quand même allongé 50 bâtons pour l'aider à s'installer. Tout ça pour m'apercevoir qu'elle avait acheté un clandé. Non, mais ça passe l'entendement. Vous auriez supporté ça, vous? Elle remet de l'ordre dans ses cheveux, visiblement perturbée. Excusez-moi, c'est l'angoisse qui me fait perdre mon calme. Dans un geste que je veux plein d'affection, je pose ma main sur la sienne. Ne vous énervez pas, ce qui compte c'est le moment présent, et de savoir comment nous allons pouvoir l'aider. Gino, vous me plaisez bien, dit-elle en serrant ma main et en écrasant une larme. Décidément, cette femme me botte de plus en plus. Elle a de la classe, sans se la jouer comme font beaucoup, dès qu'elle sort un peu de l'ordinaire. Gilda ne m'a même pas dit votre prénom. Paula. Paula Bonnieu. Mes parents étaient d'origine italienne et c'est pour cela qu'ils m'ont donné ce prénom. Tiens, fais-je pour pousser mon bouchon un peu plus loin. Moi aussi, je suis d'origine italienne. Avec un nom pareil, je m'en doutais un peu. Les Volpi, il y en a beaucoup en Italie. Moi, je suis originaire de Gênes. Des Di Marco, vous devez connaître. Un peu vexé qu'elle me balance son pédigré avec autant de fierté, je lui lance sur un ton doux amer. Moi, je suis d'une vieille famille de maçons, dont la plupart sont morts sur les chantiers, écrasés par des pierres, tombés d'un échafaudage, attaqués par la silicose et tout le Saint-Frusquin. Et pan, je revendique mes origines humbles, moi, madame. » Elle me lance un léger sourire pour me montrer qu'elle a compris la pique et qu'elle apprécie. Je sentais bien qu'elle ne manquait pas de finesse. Arrivé à Carreau, je garde la voiture derrière le bar, devant la porte de la cuisine. Nous n'avons même pas le temps de descendre que Gilda surgit et tourne autour de la Mini comme un jeune chien. Dès que sa mère est debout, Gilda l'étreint et fond en larmes. « Mouma, c'est terrible, terrible !» Paula devient blanche et se met à trembler légèrement. Elle éloigne sa fille de son giron et la dévisage. « Qu'est-ce qu'il y a ? Mais parle, parle, je t'en supplie, Gigi. Venez, rentrez à l'intérieur. » Au passage, elle me prend la main et dépose sur ma joue un baiser furtif. Je crois qu'en effet, l'affaire est grave. Le rideau est baissé et Marcel s'active derrière le comptoir. Lui aussi n'a pas la mine particulièrement réjouie. Nous nous asseyons enfin tous les quatre, devant des cafés apportés par Marcel, et Gilda commence à nous raconter son drame avec force reniflette et hoquet. Hier, j'allais fermer mon bar quand un type est arrivé et est passé juste sous le rideau qui allait se fermer. Vu le genre du mec, je m'attendais un peu à ce que ça ne soit pas facile, mais pas à ce point-là. Moi, je lui ai répondu « On se connaît tous les deux ?»« Pas encore, mais ça va venir !» qu'il a fait. Il m'a expliqué, dans un français douteux, avec un accent russe, qu'il fallait que j'achète son bar. « Tous les mois, tu me donnes 1000 balles et quand on est arrivé à 10 plaques, le bar, il est à toi. Et je te laisse tranquille. C'est réglé ou non ?»« Mais il est à toi, ce bar, tu l'as acheté ?» s'écrie Madame Bonnieux, peu habituée aux combines de la pègre. « Mais Mouma, il voulait me rançonner, tout simplement. »« Il n'a pas gonflé, ce gars ?» s'étonne la mère. « Je suppose qu'il t'a menacé ?» je demande. « Oui, bien sûr, tu parles. » Il m'a dit que de temps à autre, j'aurais quelques petits problèmes. Gilda se met à trembler légèrement. « Il ne faut pas te mettre dans des états pareils. On va s'en occuper, lui dis-je. « Attends la suite !» fait-elle en pleurant à chaudes larmes. Je suis passé derrière le comptoir pour ranger et pour réfléchir à la façon dont j'allais m'en dépêtrer. Il est passé derrière moi, sorti un rasoir et il me l'a mis sous la gorge. « Je crois que tu n'as pas bien compris que tu n'avais pas le choix, » qu'il m'a dit. « J'avais une trouille pas possible. Je sentais que ce type était complètement dingue. Et puis il faudra être gentil avec moi, » m'a-t-il dit en me plotant avec l'autre main. Je me le suis laissé faire et il a baissé son rasoir. Arrivé à ce point de son récit, Gigi s'effondre sur la table, son corps secoué de gros sanglots. Et après, son ton monte dans les aigus. Je sais plus ce qui s'est passé. Quand j'ai repris mes esprits, le mec était étendu devant moi, derrière le comptoir. Moi, j'étais penché sur lui et je tenais le manche de mon couteau pour couper les citrons. Et le couteau était dans son ventre. Il y avait du sang partout. Elle se met presque à hurler. Et quand je me suis relevé, j'ai vu Marcel qui me regardait. Mon regard et celui de Paula se tournent vers Marcel, qui opine l'air le plus désolé du monde. La pauvre, si vous l'aviez vue, elle avait un regard de folle. J'ai essayé de la calmer, je lui ai donné un cognac pour la remonter. J'ai fermé le rideau et toutes les portes à clé. Après, j'ai enlevé le couteau, je l'ai nettoyé et je l'ai enveloppé dans un journal. Gigi était affalé sur la table, sans réaction. Alors je l'ai porté dans sa chambre et je l'ai veillé, en attendant qu'elle revienne à elle. Gilda relève la tête et secoue sa crinière noire comme une pouliche. Comme j'allais mieux, nous sommes redescendus. J'espérais m'apercevoir que j'avais fait un cauchemar, mais non, le cadavre de ce connard était toujours là. Alors j'ai dit à Marcel, « Mais qu'est-ce qu'on va faire, dis ?» Moi, je lui ai dit que si elle allait se dénoncer aux gendarmes avec les ennuis qu'elle avait déjà eus, elle était bonne pour le cabanon, en attendant qu'on prouve la légitime défense, ce qui n'était pas évident. Dans mon fort intérieur, je constate que ce Marcel n'est pas un imbécile, et qu'il a eu la bonne réaction. Enfin, dans l'intérêt de Gigi, bien sûr, pas dans celui de la justice. Alors Marcel m'a dit, « Si tu sens de m'aider, on va tout nettoyer. On va mettre le corps dans l'armoire froide de l'arrière-salle et demain, on avisera. » Et voilà, je vous ai tout raconté. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Moi, je sais plus. Et de nouveau, elle part dans une longue crise de larmes. Quant à Madame Mère, elle a ouvert la bouche au début du récit et ne l'a toujours pas refermée. Elle est livide, la pauvre. Elle caresse machinalement la main de sa fille et a l'air complètement décérébrée. Quand même, fait Paula qui revient à elle. Il faudrait prévenir la police et raconter tout simplement ce qui s'est passé. Oui, mais Marcel a raison. Gilda va être mise en garde à vue et va être inculpée. Il y aura une enquête, un procès. Son avocat plaidera la légitime défense, mais menacer quelqu'un avec un rasoir ne justifie pas forcément qu'on vous plante un couteau dans le ventre. Elle encourt une peine de prison, c'est sûr. Même si Marcel fait un faux témoignage. Ah, vous croyez ? Fait Paula désabusée. Bien sûr, mais je crois que j'ai une idée, madame. C'est pour ça que je t'ai fait venir, Gino, me lance Gigi. Ça y est, elle reprend du poil de la bête, me dis-je. Je suppose qu'il n'est pas venu à pied, ce fumier. Sa voiture était garée devant, mais quand on a eu tout fini, vers 1 heure du matin, je l'ai planqué dans le garage d'Étienne, un copain qui est à l'hosto, précise Marcel. Et si on le foutait à la mer, Gino, avec une pierre au cou, propose Gilda. Oh, Gigi, s'offusque sa mère. Tu ne crois tout de même pas qu'on va le garder jusqu'à Noël, pour le réveillon, non ? Madame Mère secoue la tête de droite à gauche en signe de dépit. Je me pose en expert et parle d'un ton bas et concentré. Non, la pierre au cou, ce n'est pas une bonne solution. Si jamais il refaisait surface, on pourrait rapidement l'identifier. Il faut se débarrasser aussi du véhicule. Marcel pointe un index en l'air pour montrer qu'il trouve ma remarque judicieuse. Nous nous en occuperons avec Marcel dès que la nuit sera tombée. Ta mère et toi, moins vous en saurez, mieux cela vaudra. Il faut bien que je leur montre qui est le chef ici. On m'a fait venir, alors maintenant il faut se plier à mes desiderata. Non mais... Sur ces entrefaites, nous déjeunons sur le pouce d'œufs et de jambon arrosé d'un sèvre et mène sur lit qu'affectionne particulièrement Marcel. Il faut ouvrir le bar, Gigi. Tu n'auras qu'à raconter aux clients que tu allais chercher ta mère à l'hôpital pour qu'elle passe la convalescence chez toi. C'est ça, Gino, portez-moi la poisse. Vous croyez que ça ne suffit pas, ce qui nous arrive? Mais Paula... Il ne nous arrive rien, rien du tout. Mettez-vous bien ça dans la tête, au cas où. Il ne s'est rien passé. Pas vrai, Marcel ? Marcel opine du chef. Il fait beau, c'est déjà pas mal, dit-il dans un sourire. Toutes nos plaisanteries n'arrivent pas à apaiser Gigi, qui glisse de temps à autre un regard apeuré vers l'arrière-salle, en direction de la porte de la chambre froide. Jusqu'à ce soir, dis-je, il faut mener sa vie le plus normalement du monde.